pourquoi c'est suite au Grenelle de l'environnement, en particulier aux engagements qui avaient été pris par le ministère de l'Environnement, M. Borloo, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et M. Sarkozy, qui avaient annoncé que, en gros, il y aurait une, pas une remise en cause, mais une évaluation des évaluations sur les OGM, en fait, au niveau français et au niveau européen. On est aussi dans le cadre d'une présidence européenne par la France. Donc c'est quand même important. Donc M. Sarkozy avait lancé l'idée et il devait se tenir un sommet du GEN qui devait avoir lieu en novembre à Paris dans les locaux de l'UNESCO pour lancer la réflexion sur la réévaluation des protocoles ou lignes directrices d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés aux OGM cultivés et aux OGM dits pesticides. Donc on était bien dans le cadre de la réglementation et de revoir l'évaluation des OGM. Et l'évaluation, la société civile devait être invitée à ce sommet qui devait se tenir, ce qui veut dire que là, on squeeze encore la parole de la société civile, on ne l'invite pas puisque le sommet est reporté, mais on n'a pas su quand, ni avec qui et comment. Donc, il aurait été important que ce sommet se tienne puisqu'il va y avoir le Conseil européen de l'environnement les 4 et 5 décembre. C'est-à-dire que les ministres représentant leurs États vont se retrouver et parler d'environnement, dont d'OGM et la législation sur les OGM. Donc, le sommet n'ayant pas eu lieu, la société civile n'étant pas représentée, on est dans une phase où il faut que la société civile réagisse et que la société civile organise elle-même un colloque d'information. C'est ce qui va se passer à Paris lundi le 27, puis le 28, les organisations vont se retrouver pour adopter et discuter d'une stratégie européenne. Et le contexte de semons la biodiversité est bien lié aux semences et au statut des semences pour les jardiniers amateurs, pour les maraîchers, pour les agriculteurs. Quel statut on va donner aux semences ? Tout à l'heure, on va aller dans le champ qui est là, de maïs population. La récolte de ce maïs est aussi une semence. Ce n'est pas une habitude de réflexion dans le milieu agricole que la récolte puisse être une semence. Et notamment maïs, puisque souvent les maïs sont hybrides, ne sont semés qu'une seule fois et il y a rachat des semences tous les ans. Ce maïs-là, population, peut être ressemé tous les ans. Donc la récolte peut aussi être une semence. Et quand on dit ça, on réfère aussi au niveau international à ce qui se passe dans les pays dits en voie de développement, où la récolte est aussi une semence. Et c'est ce qu'il faut préserver, on parle de souveraineté alimentaire. Et là, on touche du doigt le statut même et l'utilisation des semences par les communautés paysannes pour le droit à une alimentation saine et le droit à ressemer sa récolte. Cette action d'aujourd'hui va avoir une suite dans les années prochaines, et dès 2009, où il y aura des choses un peu plus précises liés aux semeurs volontaires de biodiversité, c'est-à-dire de s'engager par des actes citoyens en essayant d'entraîner des collectivités locales, des personnalités, du spectacle, des personnalités politiques, à semer des graines qui ne sont pas forcément au catalogue et qui n'ont pas forcément une légitimité. Il faudra qu'on arrive à ça pour cette année 2009 et je pense qu'avant le printemps et au moment des préparations des terrains chez les jardiniers, chez les agriculteurs, d'insister à semer autre chose que des hybrides et autre chose que ce qui est commun de semer. Donc, le collectif national met à disposition des petits sachets de graines, vides ou pleins, suivant la demande, pour pouvoir échanger librement les semences. Sachant qu'on se met en infraction par rapport à la loi existante. Mais encore une fois, il va falloir désobéir pour pouvoir interpeller ceux qui font les lois, notamment les députés et les sénateurs, qui ont déjà voté des textes qui sont quand même inquiétants. Nous, ça fait 3 ans donc qu'on a introduit ce maïs de population sur l'exploitation. Avant, on travaillait pendant 20 ans, on a fait du maïs, comme tous les collègues, du maïs hybride. Pas forcément de l'imagrin d'ailleurs, mais souvent de l'imagrin. Et puis, donc dans la réflexion et dans l'évolution de l'exploitation, puisque maintenant on est en agriculture biologique depuis 3 ans, eh bien, on cherchait justement comment, sur chaque culture, comment évoluer. Et donc, pour le maïs, on est allé à Périgueux voir ce qui se passait. Là-bas, il y a une grosse base sur la semence paysanne en maïs. Et ils ont comment on peut dire, une bibliothèque très intéressante de différentes variétés de maïs, et toujours de maïs de population. Alors, quelle est la particularité des maïs de population? De se ressemer, de pouvoir se ressemer, c'est du maïs ordinaire, de base. C'est plutôt quelle est la particularité du maïs hybride. Et donc, il faut toujours rappeler, quand quelqu'un vous dit que c'est des hybrides, que ce n'est pas des hybrides. Ça n'a jamais été des hybrides. Hein. C'est simplement des croisements. Un hybride, ce serait le croisement d'un maïs avec un blé. Ça, c'est un hybride, parce que ce sont deux espèces différentes qu'on croise. Mais tous les végétaux qu'on dit hybrides, les tomates hybrides, les semences hybrides, ce n'est pas du tout des hybrides. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste des croisements de deux variétés d'une même population, d'une même espèce. Pas de population, mais d'une même espèce. Donc, il faut bien démystifier. Et ils l'ont appelé hybride. Alors, pourquoi certains disent parce que ça fait plus scientifique, ça fait mieux, ça fait... Bon, parce que si on vend du croisement, c'est pas terrible, quoi. Hein, c'est bon. Et alors, se reproduisent-ils, ces hybrides? Oui, bien sûr qu'ils se reproduisent. Ils germent. Hein, ils germent. Alors, la particularité, c'est que, comme dans toute loi génétique, si vous croisez deux lignées différentes, vous allez donc produire une production qui va être généralement supérieure à la somme des deux parents. Hein. C'est ce qu'on appelle en langage scientifique l'effet d'hétérosis. Et donc on joue sur cet effet pour effectivement avoir les atouts des deux parents et avoir un rendement supérieur. Donc dans l'objectif d'avoir toujours une production plus importante, c'est toujours intéressant d'apporter des caractères par le père et la mère, de croiser ça et d'avoir donc une valeur supplémentaire. Nous sommes tous issus d'une valeur supplémentaire. À l'inverse, quand vous faites de l'auto-fécondation, vous allez avoir une décroissance hein, de la production. Ça, c'est bien connu dans toutes les espèces. Et la particularité, c'est que si vous prenez cette récolte de hybride et que vous la remettez en terre, vous allez, bien sûr, ça va germer, vous allez avoir une production, et là, vous allez retrouver tous les caractères des parents, des grands-parents et des croisements. Donc, vous allez avoir la ventilation normale, 25% du père, 25% de la mère, 50%, et puis après, ainsi de suite. Donc, on retrouve tout. Donc, vous allez avoir une production très hétérogène. Et un agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir, vous voyez tous les champs de maïs hein, à l'heure actuelle, tous les épis, vous les voyez à la même hauteur, les fleurs sont à la même hauteur, donc c'est caractéristique d'une variété bien, bien définie. Et s'il se prenait pour lui l'envie de prendre sa récolte, de la ressemer, il aurait donc un champ très très hétérogène, un peu un champ comme vous allez voir tout à l'heure. L'agriculteur, il n'est pas adapté, enfin, il n'est pas équipé mentalement pour faire ça, hein, ça tout de suite. C'est pas dans l'éducation, c'est sûr. Bon, il n'est plus. Chez nous, quand je dis l'agriculteur, c'est l'agriculteur français de base, hein, ou européen intensif, ou américain, mais il n'est plus, quoi. L'idée du réseau semences paysannes, c'est de redonner de l'autonomie à l'exploitation, de redonner de l'initiative aux agriculteurs pour pouvoir reprendre ses propres semences et adapter une variété, réadapter des variétés localement sur l'exploitation ou sur la région. Ça peut être aussi, il peut y avoir plusieurs objectifs, hein, ça peut être aussi de sauvegarder un patrimoine génétique qui est sauvegardé de toute façon. Il y en a toujours qui s'en occupent, hein, vous connaissez les banques de gènes qu'il peut y avoir et dans quelques frigos norvégiens là-haut. Donc si on veut que ce ne soit pas des banques privées qui gardent l'ensemble des gènes, il faut aussi pouvoir les garder nous-mêmes localement et avoir des variétés donc bien adaptées aux conditions pédoclimatiques comme on dit, donc sol et climat. Donc pour ça, on a pris donc une variété qui n'était pas de chez nous. Nous, quand on s'est baladé à Périgueux, on a vu dans cette bibliothèque, on a choisi quelque chose qui nous plaisait en maïs. Il y avait deux variétés qui nous plaisaient, celle-là, un grand roux basque, et puis une variété qui s'appelait italien, qui était un maïs bien jaune, qui était très beau. C'est la particularité du maïs, c'est que c'est une pollinisation par le vent, ce qui fait qu'on peut difficilement accueillir plusieurs variétés de populations dans un même lieu, parce qu'il y a un croisement qui se fait assez rapidement. Donc si on ne prend pas des précautions dans sachage, etc., donc ça devient assez difficile. Donc on a pris une variété, pas deux. Et on a essayé, ça fait 3 ans, donc on a essayé de l'adapter chez nous, alors en petite surface, genre 1000 m², 2000 m². Et c'est la première année où, au bout de 3 ans, on mettait une grande parcelle, 5 hectares. Donc nous, on a appris et on continue à apprendre à sélectionner le maïs. Comment faut faire pour sélectionner autant en blé, quand on moissonne du blé et quand on veut garder sa semence, eh ben, la sélection se fait... soit c'est un coin de champ, on repère, c'est beau, et puis on garde, on se dit, celle-là, je vais le garder, on le met dans une remorque à part, et on va le trier pour faire de la semence. Pareil sur d'autres variétés. Autant là, en maïs, on peut se permettre d'aller dans le champ et de récupérer des épis particuliers, et de pouvoir garder ces épis pour faire de la semence. On pourrait le faire en blé aussi, hein, c'est-à-dire je regarde et puis je dis je veux cet épi-là, je veux celui-là. Et alors il y a des collègues qui le font, hein, Jean-François Berthaud, il le fait là. Puis après il fait, avec ses quelques épis, il fait une ligne ou deux de blé. Et puis après il moissonne ça, hein, et il le garde, il ne moissonne pas la moissonneuse bien sûr, il le bat à la main. Et puis il fait un petit carré qui est grand comme la table la deuxième année. Et puis la troisième année il en fait un peu plus grand, et la quatrième année il commence à faire quelque chose. Bon. Mais ça, j'avoue que bon, c'est des calus. Hein, il l'a fait, tu l'as fait, Jean-Michel, ça un peu. En blé, oui. Et donc, moi, j'avoue que tout de suite, sur l'exploitation, on ne peut pas courir tous les lièvres. Donc, on a dit, on va travailler sur le maïs. Et en blé, on fait comme normal. C'est-à-dire qu'on prend notre semence de ferme, on la trie et on ne va pas prendre un épi aussi ou là pour l'instant. Donc en maïs, on peut assez facilement récupérer des épis, donc ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors pour ça, on se met des critères de sélection. Et il y a un gars du Brésil qui est venu à Périgueux nous montrer un peu comment faisaient eux, parce qu'ils le faisaient depuis toujours, traditionnellement. Et il apprenait, lui, aux agriculteurs toujours à le faire. Et donc on se met un certain nombre de critères de sélection dans la tête, et on dit voilà, on va se balader dans le champ et pied par pied on va regarder, et si le critère de sélection correspond, on récupère l'épi. Et pour ça, il y a deux méthodes principales. Comme j'ai dit, on peut soit prendre un secteur le plus beau du champ et puis on dit tiens, toute ma semence je vais la chercher là. Mais ce n'est pas forcément le meilleur des principes, dans la mesure où, effectivement, génétiquement, le secteur est beau, mais il n'est peut-être pas représentatif de la variété. Il vaut peut-être mieux, et c'est ce qu'on fait, ramasser de la semence dans tout le champ, y compris dans les zones les plus vilaines, parce que génétiquement, on a une plus grande diversité. Et quand une plante a réussi à faire ne serait-ce qu'un petit épi, pas très beau, dans une zone extrêmement difficile, génétiquement, c'est intéressant de garder ça parce que il y a un potentiel. Parce que c'est facile de faire très beau dans une zone très bonne, alors que c'est déjà beaucoup plus difficile de faire quelque chose dans une zone pleine de cailloux ou très, très pauvre. Et donc ça, c'est le Brésilien qui nous a dit, je vous conseille de... sur chaque ligne, de prendre une zone, vous prenez 20 mètres, et dans ces 20 mètres, vous allez chercher l'épi qui correspond à tous vos critères, et vous allez récupérer cet épi. Mais faites-le partout, même dans les zones les plus vilaines. Et c'est bon, alors là, on a un palox là-bas, et qui est plein de notre semence de l'année prochaine. On a 2000 épis à peu près dans ce palox, et ça correspond à peu près à notre besoin de semences pour 5-6 hectares de l'année prochaine. Et donc on a récupéré ça dans le champ. En prenant les pieds les plus beaux, les pieds les plus sains, et puis en regardant les différents critères de position de l'épi, et quand ça correspondait à ce qu'on voulait, on récupère et on donne. Quand on regarde bien les textes, il faut regarder ce qu'on a le droit de faire, pas le faire. J'ai le droit de commercialiser ce maïs. Il est issu de notre exploitation, la semence est issue de notre exploitation, on a le droit de le commercialiser comme maïs de consommation. Mais si vous en prenez, on vous donne ou on vous vend, vous le verrez tout à l'heure, du maïs de consommation, pas de la semence. Et vous êtes libre de pouvoir la semer chez vous. Et donc, quand on échange entre agriculteurs de la semence, si on fait des factures, il ne faut jamais qu'on marque que c'est de la semence. On marque c'est du blé, on marque c'est du maïs, on marque c'est... Après, il y a une autre législation sur la transaction des céréales, et si ça dépasse certains tonnages, on est encore coupable. Bon. On est redevant. Mais en semence, on n'a pas le droit de commercialiser des choses qui ne sont pas au catalogue. Il y a une législation sur la commercialisation et la transaction. J'ai le droit, moi, de vendre du blé. Tous les agriculteurs ont le droit de vendre du blé, de l'orge, de l'avoine. Le maximum, c'est 500 kilos. Et c'est aux agriculteurs de ma commune. Point. Dès que ça dépasse la commune, c'est plus possible. Alors la réglementation, c'est sur la transaction des céréales et liée aux ce qu'on appelle nous les organismes stockeurs. Et au départ, c'est tout simplement parce qu'il y a des taxes sur les transactions de céréales. L'État prend une taxe sur les dès qu'il y a une transaction de céréales, pouf, la taxe. Et qui est-ce qui récupère cette taxe? On aurait pu considérer que chaque agriculteur pouvait effectivement collecter les taxes et puis les redonner à l'État. Et non, qu'ils ont préféré mettre une législation par des organismes stockeurs qui sont habilités à récupérer ces taxes. Et donc, sur le département du Puy-de-Dôme, il doit y avoir 4 ou 5 organismes stockeurs, donc Domagri, Tiva, Limagne Céréales à l'époque. Bon. Et eux sont habilités et doivent tenir un inventaire très précis, mois par mois, de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont vendu, et ce qui fait que l'État sait absolument où il y a du blé et qui en a stocké, etc. Il ne faut pas que nous, en semences paysannes, on travaille sur dérogation ou sur contournement possible, voilà, d'une législation. On veut une reconnaissance de droit de pouvoir commercialiser, voilà, les récoltes issues de notre propre sélection et d'échanges entre agriculteurs. Ça, il faut que ce soit un droit qui soit reconnu. Et je le redis, il va falloir que nos députés se réveillent sérieusement. Il y a une comparaison qui est intéressante à faire, c'est avec toute la problématique des logiciels libres. On est sur la même démarche. Là, les gens ont bien compris. Autant on peut concevoir que l'obtenteur de quelque chose puisse vivre de son métier, c'est-à-dire de créer des variétés, de créer des logiciels, etc. Mais autant on peut concevoir que, comme pour les semences qui passent de paysan à paysan qui sont sélectionnés, le droit paysan doit exister comme le droit libre d'échanger, de partager des semences ou des logiciels. Tout dépend de l'origine de ce qu'on utilise. C'est quand même, et la législation, et notamment sur le blé, j'y pense maintenant, nous on utilise des semences de ferme issues de notre propre sélection, mais chaque fois qu'on vend un quintal de blé, il y a une taxe qui est prélevé systématiquement chaque fois qu'on vend et qui retourne à l'obtenteur. Mais dès qu'on vend, et je suis remboursée de cette taxe qui s'appelle la contribution volontaire obligatoire. C'est le vrai nom. Me sera remboursée si l'année suivante, je rachète des semences certifiées. Voilà le circuit tel qu'il est. Si je ne rachète pas de semences certifiées, tant pis, la taxe, je l'ai payée pour l'obtenteur. Et si j'achète des semences certifiées, une part de la taxe, pas tout quand même, me sera remboursée l'année suivante. Voilà, on est coincé et ce sont les organismes stockeurs qui travaillent finalement pour les semenciers et qui prélèvent au passage une taxe. Voilà, tout le problème de la propriété intellectuelle est posé là. Est-ce qu'on veut, avec ce maïs-là, dire ben, « celui-là, il est à moi, je le protège, je ne veux pas que les semenciers y touchent » ou je ne sais quoi. Et alors, Il est mieux de ne rien légaliser dans la mesure où on veut que ce soit libre d'échange et de culture. Ce qu'on s'aperçoit en maïs, les premiers hybrides, c'était dans les années 65 à peu près. Hein. 65, 68, 70, ça a fait la fortune de l'Imagrin. C'est LG3, LG5, LG11. C'est les premiers croisements industriels. Et voilà. Et qui ont permis cet accroissement de production, si on ne dit pas de rendement, de production par hectare. Et on s'aperçoit que cette croissance, elle a eu lieu en un petit nombre d'années. La sélection massale, comme on dit, c'est-à-dire la sélection d'une lignée que l'agriculteur choisit les plus beaux des plus beaux et chaque année, a atteint le même rendement, mais par contre, il a mis beaucoup plus longtemps. Et en maïs, c'est tout à fait le cas. On est parti de la même stock de population, mais il y en a qui sont partis, enfin, tout le monde est parti sur les hybrides, et quelques-uns sont partis sur la sélection massale. Et aujourd'hui, un maïs comme ça peut faire 80 quintaux, et les hybrides sont aux alentours de 80 quintaux, et dépassent aussi pour certains. Mais donc, voilà, on n'a pas gagné. Il ne faut pas croire qu'on ait gagné quelque chose en faisant des hybrides, on était plus vite, c'est tout. C'est une méthode pour aller plus vite. Mais, et donc ça c'est pour répondre à ta question de déshybrider. Oui, effectivement, on peut très bien le faire parce que certains pays ne sont pas partis dans les hybrides et ont continué